surtout à un mari, l'étendue de notre passion. C'est celui qui aime le plus qui est tyrannisé, et qui pille, est délaissé tôt ou tard. Celui qui veut régner doit. Comment, madame? Faudra-t-il donc dissimuler, calculer, devenir fausse, se faire un caractère artificiel et pour toujours? Oh, comment peut-on vivre ainsi? Est-ce que vous pouvez? Elle hésita. La duchesse sourit. Ma chère, reprit la grande dame d'une voix grave, le bonheur conjugal a été de tout temps une spéculation, une affaire qui demande une attention particulière. Si vous continuez à parler passion quand je vous parle mariage, nous ne nous entendrons bientôt plus. Écoutez-moi, continua-t-elle en prenant le ton d'une confidence. J'ai été à même de voir quelques-uns des hommes supérieurs de notre époque. Ceux qui se sont mariés ont, à quelques exceptions près, épousé des femmes nulles. Eh bien, ces femmes-là les gouvernaient, comme l'empereur nous gouverne, et étaient, sinon aimées, du moins respectées par eux. J'aime assez les secrets, surtout ceux qui nous concernent, pour m'être amusée à chercher le mot de cette énigme. Eh bien, mon ange, ces bonnes femmes avaient le talent d'analyser le caractère de leur mari. Sans s'épouvanter, comme vous, de leur supériorité, elles savaient adroitement remarquer les qualités qui leur manquaient. Soit qu'elles possédassent ces qualités, ou qu'elles feignissent de les avoir, elles trouvaient moyen d'en faire un si grand étalage aux yeux de leur mari qu'elles finissaient par leur imposer. Enfin, apprenez encore que ces âmes, qui paraissent si grandes, ont tout un petit grain de folie que nous devons savoir exploiter, en prenant la ferme volonté de les dominer, en ne s'écartant jamais de ce but, en y rapportant toutes nos actions, nos idées, nos coquetteries, nous maîtrisons ces esprits éminemment capricieux qui, par la mobilité même de leurs pensées, nous donnent les moyens de les influencer. Oh, ciel ! S'écria la jeune femme épouvantée. Voilà donc la vie ! C'est un combat ! Où il faut toujours menacer, reprit la duchesse en riant. Notre pouvoir est tout factice. Aussi ne faut-il jamais se laisser mépriser par un homme. On ne se relève d'une pareille chute que par des manœuvres odieuses. Venez, ajouta-t-elle, je vais vous donner un moyen de mettre votre mari à la chaîne. Elle se leva pour guider en souriant la jeune et innocente apprentie des ruses conjugales à travers le dédale de son petit palais. Elles arrivèrent toutes deux à un escalier dérobé qui communiquait aux appartements de réception. Quand la duchesse tourna le secret de la porte, elle s'arrêta, regarda Augustine avec un air inimitable de finesse et de grâce. « Tenez, le duc de Kirigliano m'adore. Eh bien, il n'ose pas entrer par cette porte sans ma permission. » Et c'est un homme qui a l'habitude de commander à des milliers de soldats. Il sait affronter les batteries, mais devant moi, il a peur. Augustine soupira. Elles parvinrent à une somptueuse galerie où la femme du peintre fut amenée par la duchesse devant le portrait que Théodore avait fait de Mademoiselle Guillaume. À cet aspect, Augustine jeta un cri. « Je savais bien qu'il n'était plus chez moi, » dit-elle. « Mais ici ?» Ma chère, je ne l'ai exigé que pour voir jusqu'à quel degré de bêtise un homme de génie peut atteindre. Tôt ou tard, il vous aurait été rendu par moi. Mais je ne m'attendais pas au plaisir de voir ici l'original devant la copie. Pendant que nous allons achever notre conversation, je le ferai porter dans votre voiture. Si armée de ce talisman, vous n'êtes pas maîtresse de votre mari pendant 100 ans, vous n'êtes pas une femme et vous méritez votre sort. Augustine baisa la main de la duchesse, qui la pressa sur son cœur et l'embrassa avec une tendresse d'autant plus vive qu'elle devait être oubliée le lendemain. Cette scène aurait peut-être à jamais ruiné la candeur et la pureté d'une femme moins vertueuse qu'Augustine, à qui les secrets révélés par la duchesse pouvaient être également salutaires et funestes. La politique astucieuse des hautes sphères sociales ne convenait pas plus à Augustine que l'étroite raison de Joseph Lebas, ou que la niaise morale de Madame Guillaume. étrange effet des fausses positions où nous jettent les moindres contresens commis dans la vie. Augustine ressemblait alors à un pâtre des Alpes, surpris par une avalanche. S'il hésite, ou s'il veut écouter les cris de ses compagnons, le plus souvent il périt. Dans ces grandes crises, le cœur se brise ou se bronze. Madame de Sommervieux revint chez elle en proie à une agitation qu'il serait difficile de décrire. Sa conversation avec la duchesse de Carigliano éveillait une foule d'idées contradictoires dans son esprit. Elle était comme les moutons de la fable, pleine de courage en l'absence du loup. Elle se haranguait elle-même et se traçait d'admirables plans de conduite. Elle concevait 1000 stratagèmes de coquetterie. Elle parlait même à son mari, retrouvant loin de lui toutes les ressources de cette éloquence vraie qui n'abandonne jamais les femmes. Puis, en songeant au regard fixe et clair de Théodore, elle tremblait déjà. Quand elle demanda si monsieur était chez lui, la voix lui manqua. En apprenant qu'il ne reviendrait pas dîner, elle éprouva un mouvement de joie inexplicable. Semblable au criminel qui se pourvoit en cassation contre son arrêt de mort, un délai, quelque court qu'il pût être, lui semblait une vie entière. Elle plaça le portrait dans sa chambre et attendit son mari en se livrant à toutes les angoisses de l'espérance. Elle pressentait trop bien que cette tentative allait décider de tout son avenir. Pour ne pas frissonner à toute espèce de bruit, même au murmure de sa pendule qui semblait appesantir ses terreurs en les lui mesurant, elle tâcha de tromper le temps par 1000 artifices. Elle eut l'idée de faire une toilette qui la rendit semblable en tout point au portrait. Puis, connaissant le caractère inquiet de son mari, elle fit éclairer son appartement d'une manière inusitée, certaine qu'en rentrant, la curiosité l'amènerait chez elle. Minuit sonna. Quant au cri du jockey, la porte de l'hôtel s'ouvrit. La voiture du peintre roula sur le pavé de la cour silencieuse. « Que signifie cette illumination ?» demanda Théodore d'une voix joyeuse en entrant dans la chambre de sa femme. Augustine saisit avec adresse un moment si favorable. Elle s'élança au cou de son mari et lui montra le portrait. L'artiste resta immobile comme un rocher. Ses yeux se dirigèrent alternativement sur Augustine et sur la toile accusatrice. La timide épouse, demi-morte, épiait le front changeant, le front terrible de son mari. Elle en vit par degrés les rides expressives s'amonceler comme des nuages. Puis elle crut sentir son sang se figer dans ses veines, quand, par un regard flamboyant et d'une voix profondément sourde, elle fut interrogée. « Où avez-vous trouvé ce tableau ?»« La duchesse de Carigliano me l'a rendu. »« Vous le lui avez demandé ?»« Je ne savais pas qu'il fût chez elle. » La douceur, ou plutôt la mélodie enchanteresse de la voix de cet ange, eut attendri des cannibales. Mais non un artiste en proie aux tortures de la vanité blessée. « Cela est digne d'elle !» s'écria l'artiste d'une voix tenante. « Je me vengerai !» dit-il en se promenant à grands pas. « Elle en mourra de honte. Je la peindrai. Oui, je la représenterai sous les traits de Messaline sortant à la nuit du palais de Claude. » « Théodore, » dit une voix mourante, « je la tuerai. Mon ami, elle aime ce petit colonel de cavalerie parce qu'il monte bien à cheval. » « Théodore. »« Eh, laissez-moi !» dit le peintre à sa femme avec un son de voix qui ressemblait presque à un rugissement. Il serait odieux de peindre toute cette scène à la fin de laquelle l'ivresse de la colère suggéra à l'artiste des paroles et des actes qu'une femme moins jeune qu'Augustine aurait attribués à la démence. Sur les 8 heures du matin, le lendemain, Madame Guillaume surprit sa fille pâle, les yeux rouges, la coiffure en désordre, tenant à la main un mouchoir trempé de pleurs, contemplant sur le paquet les fragments épars d'une toile déchirée, les morceaux d'un grand cadre doré mis en pièces. Augustine, que la douleur rendait presque insensible, montra ses débris par un geste empreint de désespoir. « Et voilà peut-être une grande perte, s'écria la vieille régente du chat qui pelote. Il était ressemblant, c'est vrai. Mais j'ai appris qu'il y a sur le boulevard un homme qui fait des portraits charmants pour 50 écus. Oh, ma mère! Pauvre petite, tu as bien raison, répondit Madame Guillaume, qui méconnut l'expression du regard que lui jeta sa fille. Va, mon enfant, l'on n'est jamais si tendrement aimé que par sa mère. Ma mignonne, je devine tout. Mais viens me confier tes chagrins, je te consolerai. Ne t'ai-je pas déjà dit que cet homme-là était un fou? Ta femme de chambre m'a conté de belles choses. Mais c'est donc un véritable monstre. Augustine mit un doigt sur ses lèvres pâlies, comme pour implorer de sa mère un moment de silence. Pendant cette terrible nuit, le malheur lui avait fait trouver cette patiente résignation qui, chez les mères et chez les femmes aimantes, surpasse, dans ses effets, l'énergie humaine et révèle peut-être dans le cœur des femmes l'existence de certaines cordes que Dieu a refusées à l'homme. Une inscription gravée sur un cippe du cimetière Montmartre indiquait que Madame de Sommervieux était morte à 27 ans. Un poète, ami de cette timide créature, voyait dans les simples lignes de son épitaphe la dernière scène d'un drame. Chaque année, au jour solennel du 2 novembre, il ne passait jamais devant ce jeune marbre sans se demander s'il ne fallait pas des femmes plus fortes que ne l'était Augustine pour les puissantes étreintes du génie. Les humbles et modestes fleurs, écloses dans les vallées, meurent peut-être, se disait-il, quand elles sont transplantées trop près des cieux, aux régions où se forment les orages, où le soleil est brûlant. Maffliers, octobre 1829.